Bonjour et bienvenue dans Coup de tête, le podcast qui sublime les voix des patients touchés par un cancer de la tête et du cou. Je m'appelle Émilie et j'ai été touchée par un cancer des cordes vocales à l'âge de 22 ans. Avec l'association de patients Corasso, nous souhaitons porter plus haut la parole des patients pour faire connaître et reconnaître ces différentes voix, ces différentes élocutions, ces différentes histoires inspirantes et pleines de résilience. Coup de tête, c'est le podcast qui sublime la voix des patients touchés par un cancer tête et cou. À écouter sans modération. Ça y est, c'est le grand jour. C'est le tout premier épisode de Coup de tête et je suis super contente de pouvoir l'inaugurer avec toi, Charlotte. Bonjour. Merci à toi de nous recevoir dans ton salon aujourd'hui pour nous partager ton histoire. Tu m'as dit une phrase il y a deux jours qui résonne encore beaucoup dans ma tête. Tu m'as dit « C'est drôle parce qu'on ne se connaît pas depuis si longtemps et finalement j'ai l'impression de te connaître depuis toujours. » Et c'est vrai que toi et moi, ben, on a beaucoup de similitudes dans nos parcours. Pour expliquer un petit peu comment on s'est rencontrés, je vais très rapidement revenir sur mon histoire et comment tout a commencé. Il y a 4 ans, j'avais 22 ans et on m'a diagnostiqué un cancer de la corde vocale qui a été dépisté plutôt rapidement, contrairement à toi justement qui traverse actuellement un peu les montagnes russes, comme tu dis si bien, et tu vas nous en parler juste après. J'ai été d'abord opérée d'une cordectomie, puis d'une laryngectomie partielle qui consiste à retirer une partie du larynx et des cordes vocales, d'où cette voix rauque que j'ai actuellement. Et à la suite de ça, j'ai décidé d'en faire une vidéo pour présenter aux yeux de tous ma nouvelle voix, car j'avais très peur du regard des autres finalement. Et il y a quelques mois, une certaine Charlotte m'a écrit un message sur les réseaux pour me dire... C'est dingue, j'ai vu ta vidéo et je me reconnais en tout point. On m'a aussi diagnostiqué un cancer des cordes vocales et j'ai 28 ans et on me parle de laryngectomie partielle. C'est ça. Et puis finalement, les médecins sont revenus sur cette décision car tu me disais que ce cancer avait étonnamment disparu. Alors on voit pas, mais je fais oui de la tête depuis tout à l'heure. Et puis en fait, ils y sont retournés sur ce premier diagnostic quelques mois après. Mm-mm. Alors merci une nouvelle fois de nous partager ton histoire et de revenir sur cette difficile étape du diagnostic que tu vis actuellement. Et maintenant, la parole est à toi, je te laisse te présenter. Donc moi c'est Charlotte, j'ai 28 ans et je vais bientôt avoir mes 29, je serai certainement à l'hôpital pour les fêter. Je suis prof de PS dans la vie et à cause ou grâce à mon métier, j'ai commencé à avoir des problèmes de voix en effet il y a 4 ans. À la base, j'ai eu des nodules, donc des kissing nodules, ce qui veut dire que j'avais juste des petits nodules sur chacune de mes cordes vocales qui ont ensuite dégénéré en kiss. Donc à l'époque, je m'étais fait opérer d'un kiss sur la corde vocale gauche. T'avais toujours la voix cassée à ce moment-là? Alors, j'avais une voix un peu éraillée, oui, c'était pas vraiment cassé, mais c'est vrai qu'on avait toujours l'impression qu'il y avait un petit voile dessus. Donc à cette époque-là, j'ai fait environ 2 ans d'orthophonie qui m'ont permis quand même de retrouver quasiment... toute ma voix. Et puis ensuite, arrive février 2023, où là, je commence à enchaîner à l'époque ce qu'ils pensaient être des laryngites, puisque du coup, j'avais un foyer inflammatoire sur les cordes vocales, mais ça paraissait pas grave à la fibroscopie. Donc, on n'en parle pas assez de la fibroscopie, mais la première fois que j'en ai eu une, c'était assez particulier. Je vais pas dire que j'étais très surprise par le geste médical, mais quand même un petit peu. Oui, ça fait un petit peu peur au début. Voilà. Après, on s'habitue à force d'en avoir. Pour préciser un petit peu, c'est un long tube qu'on nous insère dans le nez pour aller voir les cordes vocales. Donc, ça passe évidemment dans la gorge. Et à l'époque, c'était comme ça qu'on avait trouvé mes kissing nodules. Et à ce moment-là, on me dit que c'est pas trop grave, donc on me met quand même en arrêt parce que ça me gênait pour travailler, puisque étant prof de PS, il faut que je parle fort quotidiennement, voire très fort quand on est sur un stade, qu'il y a du bruit, du vent, enfin tous les éléments extérieurs qui peuvent déranger un cours. Donc jusqu'en 2023, tu continuais toujours à travailler au collège? Oui, j'étais en collège, exactement, et puis j'ai toujours eu des petites phases où ma voix était fatiguée, mais j'ai toujours eu la chance d'avoir des élèves soit compréhensifs, soi, moi, une posture qui me permettait soit de prendre du recul pendant mes cours, mais en tout cas de faire cours dans des conditions presque normales. Et du coup, moi, à ce moment-là, on revient en février-mars 2023, je m'inquiète pas vraiment, puisque ayant eu déjà des problèmes de voix, une laryngite, c'est assez logique, donc pas d'inquiétude particulière. Juste jusqu'à la fin de l'année scolaire, j'ai vraiment eu des grosses difficultés à parler. J'ai quand même revu mon orthophoniste qui m'avait fait quelques séances d'ostéopathie du coup. Donc déjà, j'ai découvert cette pratique-là qui était super intéressante. Et on a repris quelques séances de rééducation, mais finalement qui n'ont pas abouti à grand-chose puisque j'avais toujours la voix très cassée, voire des aphonies totales parfois où je me levais et ça durait une demi-journée, mais je chuchotais, quoi. Et juste pour savoir, l'ostéopathie, ça consiste en quoi à ce niveau-là pour les cancers ORL ou corde vocale? Alors, c'est comme une séance d'ostéopathie normale, sauf que là, on va vraiment cibler tout ce qui va être la mâchoire, le visage et le cou. Moi, il m'a fait de la mobilité du larynx et du diaphragme. Alors oui, j'ai pas précisé aussi au niveau de la respiration, pour réussir à avoir plus de coffre quand je parlais fort. Et c'était vraiment à la fois très agréable à vivre parce que on a l'impression d'avoir un petit massage. Et aussi, les jours qui ont suivi, un vrai soulagement physique. Bon, et une grosse fatigue évidemment, puisqu'on travaille quand même sur tout ce qui va être les muscles profonds et la respiration profonde. Mais je le recommande vivement aux personnes qui peuvent en faire. Ça t'a été proposé dans le cadre de ton suivi à l'hôpital ou c'est toi qui as fait la démarche? Non, moi je savais même pas que ça existait. Donc c'est mon orthophoniste qui me l'a proposé dans le cadre de mon suivi. Parce qu'elle était habilitée à le faire. Okay. Donc oui, par contre, tout le monde n'est pas habilité à le faire, donc il faut trouver la bonne personne. Et t'avais toujours ton suivi orthophonique en parallèle? Toujours. Okay. Donc tous les petits exercices à la paille que certains connaissent avec le gobelet, voilà. Non, c'était vraiment intéressant. C'est en 2023 qu'ils ont posé le diagnostic. Il a fallu attendre un long moment parce que en août 2023, je suis à ce moment-là en vacances avec des copains et là j'ai une extinction de voix totale qui cette fois-ci s'éternise, donc ça dure pas juste une demi-journée. Là je m'inquiète un peu. Au fond de moi je me dis ok, là cette fois c'est grave, il se passe quelque chose que j'ai pas l'habitude. Donc jusqu'en 2023 t'avais des douleurs quand t'avais la voix cassée? Pas tout le temps, non, sauf quand j'ai eu les laryngites. Ouais. Là ça picotait un peu, mais c'était pas des douleurs insupportables au point de se dire ok là c'est grave. Sauf à partir de ce mois d'août 2023 où là je me dis ok là c'est grave parce que ça me fait mal et en plus là j'ai plus du tout de voix, je chuchotais, il y a vraiment plus aucun son. On devait être autour du 20 août. Donc là, je me dis, ok, là, ça va être compliqué parce que les profs, on reprend en septembre. Donc je me dis, la rentrée en chuchotant, ça va être. Je vais pas pouvoir reprendre. Donc je finis par aller toquer aux urgences. Je vais aux urgences de Versailles. Ça a été un petit peu long parce qu'on rencontre les internes au départ qui, eux, n'ont pas le droit de faire la nasofibro. Donc il faut que j'attende de voir l'ORL qui peut me le pratiquer. Donc finalement, je le rencontre avec son interne. Et là, j'ai eu le droit à un enchaînement de 4 nasofibroscopies parce que, je cite, « non, on comprend pas. On comprend pas, vos cordes vocales, elles sont mobiles. Elles ont l'air en bonne forme. Juste, il y a une petite inflammation, mais ça devrait pas provoquer une extinction de voix comme celle-ci. » Ils essayent de me faire parler, sauf qu'il y a aucun son qui sort puisque, à ce moment-là, je suis vraiment aphone. Et du coup, pas de solution. Donc là, ils ont vu mon désarroi, je leur dis « mais je suis prof, je peux pas travailler comme ça, il faut qu'on trouve une solution ». Donc là, par chance, là je pense que c'était un coup du destin, il y a un rendez-vous disponible le lundi suivant avec une phoniatre à Foch, à Suresnes. Donc ça va assez vite. Et là, donc elle me fait pas une fibroscopie, mais une stroboscopie cette fois-ci. Donc c'est la même chose, mais avec une lumière particulière qui permet de mettre en évidence parfois certaines choses qu'on peut pas voir à la fibroscopie. Et là, pareil, je m'attendais à avoir une réponse, donc j'avoue, sur ce moment, je me dis « bon, c'est bon, je vais savoir enfin ce que j'ai ». Et là, le désarroi dans son regard, j'ai pas de solution là à vous apporter. Je pense qu'il faut faire une biopsie parce que je vois rien. En tout cas, rien qui pourrait laisser présager à quelque chose de très grave. Et en plus, sur le coup, je ne m'attends pas à ce que ce soit grave parce que l'ORL que j'ai vu à Versailles m'a dit « je pense pas que vous ferez opérer, ça m'a pas l'air très grave ». Puis moi, j'étais contente parce que du coup, j'avais pas trop envie de repasser sur la table d'opération. Donc là, on programme la biopsie avec une chirurgienne que je ne connais pas à ce moment-là. Et du coup, ça sera un mois plus tard. Donc, sur quoi je me dis, un mois, mais c'est super long, je peux pas travailler comme ça en plus. Puis, je suis une nature impatiente. Donc, à ce moment-là, je me dis, bon, bah, je vais rester un mois chez moi, c'est pas grave, mais j'ai hâte de savoir. On fait la biopsie début octobre. Et juste au sortir de cet examen, donc qui est toujours, enfin en tout cas pour ma part, j'ai toujours eu des anesthésies générales. Je suis en salle de réveil juste après l'opération. Et l'intervieweur me prend pour me dire que tout s'est bien passé, mais il veut pas que je parte tant que j'ai pas vu la médecin. Et puis elle arrive et puis elle me parle au départ des inflammations chroniques, donc je me dis cool, c'est bon. Mais là elle ajoute, mais c'était vraiment pas beau. Et la dernière patiente que j'ai vue, qui avait la même chose que vous récemment, elle avait les mêmes symptômes, tout pareil, c'était un cancer. Donc je vous préviens, c'est possible que ça soit un cancer aussi. Donc pour l'instant, on va espérer que ce soit une inflammation chronique, mais gardez en tête que ça peut être une éventualité aussi. Tu l'avais envisagé, toi, avant ou jamais ? Pas du tout. Par contre, dans mes recherches, j'avais découvert ce qu'était le papillomavirus. Oui. C'était apparu dans toutes les recherches que j'avais faites. Et sur le coup, je me dis, wow, n'importe quoi, wow, c'est pas possible. À ce moment-là, dans ma tête, le papillomavirus, c'est un virus qui est sexuellement transmissible. Je n'avais pas du tout de connaissance sur ce virus. Donc je me dis, moi j'ai toujours eu des activités protégées ou en tout cas jamais de problème qui aurait pu apparaître. J'ai eu un suivi gynéco, enfin... très très bien, donc il n'y a pas de... C'est pas possible que ce soit ça. Et puis, après je me dis, et puis un cancer à 28 ans, non, c'est impossible, j'ai une très bonne hygiène de vie, je suis sportive, je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool régulièrement, enfin il n'y a aucun signe qui pourrait faire que j'ai un cancer, donc dans ma tête, je le mets dans une petite case, je me dis non, c'est impossible. Bon, je pleure un peu en sortant de l'hôpital quand même, parce que le mot cancer a été prononcé et ça fait très peur. Mais je me dis non, c'est impossible. J'appelle ma mère, je dis mais maman, c'est n'importe quoi. Pourquoi elle m'a dit ça? Pourquoi elle a dit une chose pareille? Elle veut me faire peur. Donc évidemment mes parents qui essayent de me rassurer, puis les amis aussi, l'entourage qui me dit non mais tu sais, elle t'a dit ça peut-être pour que t'envisages le pire et puis pour t'annoncer ensuite une bonne nouvelle. Donc ça s'enchaîne très rapidement parce que la semaine d'après on a rendez-vous post-op et tout le monde avait le même son de cloche, c'était « n'y va pas toute seule ». Je demande à ma meilleure amie de venir, donc on y va toutes les deux. Et puis la chirurgienne a l'air un peu grave quand on arrive, donc déjà je me dis « ok, il se passe quelque chose » parce qu'elle n'aurait pas l'air si grave si c'était pas grave justement. Donc on rentre dans le bureau et puis elle n'a pas pris le temps de me laisser du suspense, elle m'a dit direct que oui, c'était en effet un cancer. Bon, là je vous avoue que le cerveau a déconnecté. Ouais. Et heureusement que j'étais pas toute seule, du coup. C'est ta copine qui a pris toutes les informations. Ah ben, oui. J'étais partie très loin, en fait. On se pose. Alors, je pense que tout le monde réagit différemment. Oui. Mais moi, pour ma part, c'est parti dans tous les sens. J'avais un millier de questions, mais qui étaient en rapport avec ce qu'elle me racontait, quoi. C'était, mais comment je vais payer mon appartement? Et comment je vais reprendre le travail? Et puis là, comment je vais l'annoncer à mes parents? Enfin, ça partait un peu dans tous les sens. Mais alors, par contre, ce qu'elle me racontait, j'écoutais rien du tout. Donc, juste, j'entends au compte-gouttes quelques infos, dont le fait qu'on va me retirer les cordes vocales. Donc là, ça repart dans ma tête. Donc, elle t'annonce directement l'opération qui était... Voilà. On parle de cordectomie. Cordectomie, oui. À ce moment-là, parce que selon les biopsies, il n'y avait que les cordes vocales qui étaient touchées. Les deux cordes vocales ou une Alors, seule Alors, une partie de la corde vocale droite, une petite partie de la corde vocale droite, et tous les prélèvements là, à gauche étaient touchés. Donc, elle estimait que toute la corde vocale gauche était touchée. Okay. Donc à ce moment-là, moi je sors, je me dis bon, mais c'est bon, on va conserver ma corde vocale droite, en tout cas une grosse partie. Elle m'a parlé d'injection de graisse ensuite, donc je pourrais retrouver de la voix. Donc en fait, je pars un peu peut-être un petit peu trop optimiste, mais je me raccroche à ce que je peux à ce moment-là. Et puis on rentre à la maison, l'annonce à la famille, aux amis. Je crois qu'à ce moment-là, j'ai besoin de conscientiser ce qui se passe. Parce que le mot cancer fait très peur. Et à la fin, moi, je me rattache à... Bon, c'est un petit cancer, ça va. C'est que sur une corde vocale, sur l'autre, ça va. Et puis cette opération-là, pour expliquer un petit peu, la cordectomie, c'est une opération qui est non-invasive et qui passe par la bouche directement au laser. C'est une opération qui ne dure pas très longtemps et souvent, les chirurgiens, ils ont l'habitude de pratiquer ce genre d'opération Et souvent, c'est réglé rapidement, entre guillemets, quoi. Bah, c'est ça. Et puis, du coup, ça veut dire pas de cicatrice, ça veut dire. C'est ça. Voilà, c'est pas très invasif. Par contre, pendant le rendez-vous, elle parle de cellules papillomateuses et de papillomavirus. Donc, elle pense qu'il y en a, mais elle n'est pas sûre. Donc, elle dit qu'elle va faire une recherche HPV. Donc, sur le coup, je me dis, oula, là, elle parle chinois, je ne comprends plus rien. Donc, le HPV, c'est le papillomavirus. Et sur le coup, je ne pose aucune question parce que je ne comprends pas vraiment. Enfin, j'ai mes lectures de ce que j'ai vu passer pendant mes petites recherches post-opératoires et avant l'opération. Mais je n'ai pas trop d'infos sur ce que c'est, je ne comprends pas bien. Et puis, je me dis, mais pourquoi moi, déjà? Le gros sentiment d'injustice. Et elle t'a expliqué un peu le papillomavirus que c'était à ce moment-là et donc tout plus ça pour venir. C'est pas exclusivement sexuellement transmissible et en fait on peut aussi l'attraper dans l'enfance avant le vaccin. Ce qui est très très très probablement mon cas de, selon les dires de tous les médecins que j'ai vus, gynéco y compris. Souvent ce qui se passe c'est à l'accouchement de la mère à l'enfant et puis ensuite ça peut être transmis aussi par... de manière indirecte, de muqueuse à muqueuse. Enfin, c'est vraiment... Ouais, ça reste hyper rare. Voilà, comme cas, c'est quoi. Très rare. Ouais. Et la deuxième rareté que j'ai appris par la suite, c'est le fait que moi, ils sont arrivés jusqu'à mes cordes vocales, ce papillomavirus, parce que ça n'arrive jamais. Donc, c'est ce qui a vraiment posé problème pour la question ensuite de mon traitement, parce que le problème du papilloma, c'est que s'il est là, ça veut dire que potentiellement, il y aura des récidives derrière. C'est envisageable, et on m'a prévenu tout de suite que potentiellement, ça arriverait. Donc, moi, je me prépare dans ma thèse en me disant, OK, bon, bah, s'il y a des récidives, faudra retirer peut-être un peu plus que les cordes vocales, mais pour l'instant, à ce moment-là, on avait prévu qu'une cordectomie. Donc, bon, bah, très bien. On arrive à la cordectomie. Moi, je suis en salle de réveil, je suis un petit peu dans le gaz. Et je vois la tête de ma chirurgienne qui arrive. Et donc, je la regarde et je crois que je lui ai dit, parce que comme j'étais un petit peu encore dans l'effet de l'anesthésie, je lui ai dit, mais il y a eu un problème. Elle me dit, oui, ça s'est pas passé comme prévu. On a dû interrompre l'opération en plein milieu. Donc, ils ont commencé la cordectomie. Et finalement, ils se sont interrompus parce qu'ils se sont rendus compte que c'était aussi bourgeonnant. Donc, c'est l'aspect qu'un cancer a quand on le regarde en fibroscopie. C'était bourgeonnant au niveau du larynx. Donc là, je comprends assez vite que si c'est bourgeonnant au niveau du larynx, c'est qu'il est touché aussi. Et que forcément, bah, l'opération qui va être faite, elle sera beaucoup plus lourde que celle qui était là envisagée. Donc, elle me dit que du coup, ils en ont profité tant que j'étais endormie pour faire des ponctions. On a fait des biopsies sur le larynx et sur les cordes vocales. Et ils sont allés aussi chercher dans le muscle, un petit peu partout autour des cordes vocales. Donc, je me dis, bon, bah, très bien, c'est-à-dire comme ça, on pourra au moins délimiter le cancer. Elle m'explique que je vais avoir une laryngectomie partielle. Donc, je vois que mes parents sont plus touchés que moi parce qu'à ce moment-là, je réalise pas vraiment l'envergure de la chose. Et puis du coup, on m'avait proposé de dormir à l'hôpital vu ce qui venait de se passer et le choc un peu émotionnel que je venais de vivre. Donc je dis oui. Je fais une pause. Pardon, le chat qui fait des bêtises. Je reprends. Et du coup, on dort à l'hôpital. Enfin, je dors à l'hôpital. Et le lendemain matin, la chirurgienne revient, me réexplique tout ce qu'ils ont prévu. Alors, pas dans le détail, parce que forcément, ça n'a pas été vu avec la RCP. Donc, la RCP, c'est la réunion avec les oncologues, les radiologues. Il y a les anapathes aussi qui sont là. Enfin, les anapathes, c'est ceux qui font les analyses des prélèvements. Parfois, il y a même les orthophonistes qui sont... Enfin, il y a quand même beaucoup de monde à ces réunions-là. Donc, et donc là, je rentre à la maison. Et puis, il faut accepter que ça va être lourd. Il faut accepter que ça va être difficile. Et c'est là que je regarde enfin la vidéo d'Emilie. D'accord. Qui m'avait été envoyée par un ami un petit moment avant déjà, mais que j'avais pas encore regardé parce que à ce moment-là, on m'avait parlé de cordectomie et pas de laryngectomie. Et du coup, je me suis dit, non, ça va pas m'arriver, donc je la regarde pas. Je suis un peu superstitieuse et je me dis, ça va me porter chance. Bah oui, c'est normal. Et puis oui, tu peux te dire, tu vas découvrir des choses que t'as pas forcément envie de voir maintenant. Donc là, je regarde cette vidéo et j'avoue que j'ai sorti les mouchoirs plus d'une fois parce que j'ai beaucoup pleuré en la regardant en me disant, mais c'est moi, mais c'est la même chose que moi. Donc oui, les mêmes étapes avec la cordectomie qui est abandonnée, ensuite bah, la laryngectomie partielle qui est proposée. Et puis, donc, au début, gros refus de ma part, je dis c'est mort, cette opération, je ne la veux pas, elle n'arrivera pas. Tu savais un peu en quoi ça consistait, cette opération? Elle t'avait dit les séquelles aussi? Au tout début, ils m'ont pas tout dit. Et puis ensuite, moi, je suis de nature à vouloir tout savoir parce que je suis anxieuse. Donc, j'ai besoin de tout comprendre avant d'arriver pour être prête. Et donc là, j'ai quand même eu des rendez-vous avec les orthophonistes, avec les chirurgiens, où là, ils ont vraiment pris le temps, ils ont fait des schémas, ils m'ont tout expliqué. Et ils m'ont aussi expliqué la rééducation, comment ça allait se passer. Non, franchement, ils ont vraiment été géniaux sur ça. Et du coup, je crois que c'est ça... qui m'a quand même rassurée à ce moment-là, parce que je voyais bien que j'étais très très bien entourée, donc ça m'a quand même rassurée. Et donc le jour, la veille de l'opération arrive, et là je reçois un appel assez tard, parce qu'il doit être 17h50, 18h, et c'est la secrétaire du service ORL qui m'appelle et qui me demande si je peux venir plus tôt demain, parce que les chirurgiens aimeraient me voir avant l'intervention. Je me dis, ok, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils veulent me voir? Donc là, je suis énervée parce que déjà, je veux pas y aller à cette opération. Et en plus, on me fait venir plus tôt. Donc là, je suis vraiment agacée. Et sur le coup, je me dis, oui, ils veulent me voir pour me réexpliquer alors que je sais déjà tout. C'est vraiment pas cool de faire ça. Surtout qu'ils me faisaient venir tôt. Donc je vois tous les côtés négatifs. À ce moment-là, je me dis, il va y avoir des bouchons. Enfin, je ronchonne. Oui. Et puis finalement, j'y vais. Et là, je demande direct, mais c'est grave, qu'est-ce qui se passe? Non, non, justement, au contraire, c'est pas grave, c'est pour ça qu'on vous a fait venir. Et là, on me dit, on annule tout. Et je me dis, quoi? On annule tout, on a réussi, enfin, on a reçu des résultats de biopsie au dernier moment, qui sont tous négatifs au carcinome. Donc moi, on m'avait dit que j'avais un carcinome épidermoïde. Et donc là, tous les résultats des biopsies, il y en avait pas un qui répondait positif au carcinome. Il répondait au carcinome in situ, donc ce qui veut dire que c'est un cancer dormant. Et donc, à ce moment-là, je comprends pas trop, parce que moi, j'entends juste le mot carcinome, je comprends pas ce que c'est in situ. Mais du coup, ils me disent, ça a rien d'opérer, on va vous laisser un délai, parce que ça veut dire que là, potentiellement, ça peut se réveiller dans 15 ans. Ça peut on peut peut-être éviter cette grosse opération. Et ça peut peut-être jamais arriver. Et ils te disent que ça peut disparaître aussi ou... Non, ils me disent pas que ça peut disparaître, mais en gros, il me faut comprendre que potentiellement, j'ai un délai sans durée déterminée de voix, quoi. Surtout qu'à ce moment-là, j'avais retrouvé un peu de voix. Je reparlais alors que j'avais pas parlé depuis... ça faisait déjà 3 mois, je crois, que je parlais plus. Donc c'était long. Et du coup, ils me proposent de quand même faire une intervention, mais de faire des biopsies pour vérifier que les derniers résultats étaient justes. Donc évidemment, je dis oui. Et les résultats de cette biopsie-là reviennent aussi négatifs. Enfin, positifs au carcinome in situ, mais pas d'infiltrant. Donc, ça veut dire c'est OK. Ça veut dire que là, on va faire des contrôles toutes les 6 semaines, mais qu'on ne fait pas d'opération. Donc là, gros choc. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. En fait, je rentre chez moi en me disant je ne suis plus malade. C'est bon. Sauf que si, il y a le petit rappel à l'ordre de déjà, tu n'as pas de voix. Parce qu'à ce moment-là, on avait fait des grosses biopsies, donc ça m'a recoupé la voix. Donc, je fais de la rééducation à l'hôpital avec une orthophoniste qui, au passage, est super, si elle entend ça. Alors, merci. Clémence, on travaille pas mal et je retrouve vraiment beaucoup de voix en peu de temps. Je peux reparler, alors je dirais pas normalement, c'est un peu mieux que ce que vous entendez aujourd'hui, mais en tout cas, je retrouve presque une voix normale et je me dis ok, ça veut potentiellement dire que je vais pouvoir reprendre le travail dans ce cas. C'est ce que j'avais demandé, du coup t'avais pas repris le travail, t'étais en arrêt. Donc là moi je suis en congé longue maladie. D'accord. Ce qui me permet de voir venir si jamais il y avait eu la grosse opération, ça me laissait un an pour me remettre de tout ça. À ce moment-là, j'ai quand même de la famille et des amis qui insistent pour que j'aie un second avis, parce que nous, on est resté sur le « il reste du carcinome in situ » et on sait pas ce que c'est. Parce que pour le coup, ça, on n'a jamais pensé à demander, parce que on pensait, les chirurgiens ont dit que c'était pas important, que c'était pas utile de les opérer tout de suite. Mais nous, on se dit, mais il y a du cancer. Et puis on est là, mais on me laisse avec un cancer en moi. Donc on comprend pas trop ce qui se passe. Et en fait, on se tourne vers l'Institut USAW aussi. Donc je fais un petit dossier pour avoir un second avis là-bas. Il se rallie quand même à ce qui a été dit par les autres chirurgiens. Petite nasofibro à ce moment-là. Donc on y retourne. Encore une au passage. En plus, ce jour-là, je suis enrhumée, donc j'ai eu un peu mal pour une fois. Et donc, oui, là, il regarde, il me dit non, mais ça m'a l'air en très bon état. Par contre, lui propose que tous les 5 mois, à peu près, on refasse une biopsie pour vérifier. Et puis, du coup, en fait, ce qui a accéléré ces biopsies, justement, c'est que je recommence à avoir un peu mal à la gorge. Mais ça apparaît au moment où j'ai les allergies qui arrivent. Donc, je me dis, bon, bah, ça doit pas être très grave. Mais j'ai quand même bien mal. Donc, j'envoie un message à ma chirurgienne en disant bah voilà, je sais pas si c'est normal ou pas, mais j'ai des douleurs à la gorge. Et ça fait un petit moment que ça dure. Donc là, je crois que ça faisait déjà une bonne grosse semaine. Donc, plus qu'un rhume. Et c'est ça qui m'inquiète. Donc, elle me dit bah, de venir et on refait une nasofibro, comme d'habitude. Et là, elle me propose qu'on refasse une biopsie de contrôle. Et puis alors là, c'était assez rigolo pour moi parce que du coup, elle allait partir en vacances, moi aussi. Donc en fait, elle accélère un peu le mouvement. On est un vendredi ce jour-là et on programme l'opération pour le lundi. Donc elle a retourné l'hôpital pour que Madame Charlotte se fasse biopsier le plus rapidement possible. Mais au moins ça rassure, tu dis, t'es vraiment prise par la main et... Là, j'ai rien à gérer, on gère pour moi. Ouais. Donc c'était assez drôle comme scène parce que j'ai rendez-vous orthophonique juste après, donc je vais dans le bureau de l'orthophoniste et puis là il y a l'anesthésiste qui s'est déplacé jusqu'au bureau de l'orthophoniste pour rapidement me poser une question pour l'opération. C'était une scène assez épique. Même eux ils devaient être dans le feu de l'action, vite. Ils nous font un bloc, il faut des gens pour le bloc, enfin c'était vraiment quelque chose. Franchement j'avais l'impression d'être dans une scène de Grey's Anatomy. C'était rigolo et c'était moi la patiente. Donc non, c'était assez drôle. Mais du coup, ça m'a aussi beaucoup rassurée sur ma prise en charge. Je me suis dit, OK, mais là, en fait, on rigole pas. Et si je sens que ça va pas, ils sont là, ils réagissent tout de suite. La biopsie se passe. Et puis, avant qu'on ait les résultats, la chirurgienne, elle me dit que c'était pas très beau, que ça avait de nouveau un aspect bourgeonnant. Ces mots, c'est on est revenu au point de départ, comme en novembre, la dernière fois. Sauf que cette fois-ci, ils étaient tellement embêtés qu'ils ont envoyé toutes mes biopsies dans 2 autres hôpitaux et au service des maladies rares. Parce qu'en fait, ils comprenaient pas comment c'est possible que ça ait apparu, disparu, réapparu. C'était assez improbable comme situation. Et puis moi, j'avoue, je comprenais pas non plus. Je me disais, mais c'était plus là, il y avait plus rien. Pourquoi tout à coup, c'est repartout? Donc oui, j'ai pas trop compris et puis je me laisse quand même porter. Et ce jour-là, elle me refait une fibro pour vérifier les cicatrices de l'opération. Et puis là, elle m'a dit, mais vous voyez, là, c'est des cordes vocales saines. Quand on regarde, il n'y a rien. Et c'était assez incroyable parce que, bon, moi, je ne suis pas chirurgienne ORL, mais par contre, c'est vrai que quand on regarde, on dirait, enfin, ce qu'on voit sur les images quand on tape cordes vocales sur Google, quoi. Donc là, elle me propose de refaire ce qu'on avait fait en novembre, c'est-à-dire 2 semaines plus tard, on refait des biopsies pour voir. Là, à ce moment-là, mon ressenti est un peu particulier. Je me sens un peu démunie parce qu'il y a de l'incompréhension d'un côté. Et à la fois, il y a un ressenti profond de « Ok, on y est. C'est cette fois, je ne suis pas sûre que ça revienne négatif la prochaine. » Il y a, je pense, de l'instinct peut-être, où c'est notre cerveau qui essaie de nous protéger et de nous préparer au pire. Mais autant les fois précédentes, j'étais très positive et je me disais « C'est bon, ça va le faire. » Autant cette fois-là, je ressens un truc au fond de moi qui me dit « Bon, alors tu te prépares parce que je pense qu'il va y avoir la grosse opération. » Et à la fois, il y a peut-être une grande force en moi qui se dégage et que je connaissais pas, mais dans le fait, je me dis « Tu vas gérer, ça va le faire. » Et même si c'est là, t'es très bien entouré et t'as de la ressource, ton travail, c'est pas grave, on verra plus tard. De toute façon, on se précipite pas tant qu'on n'a pas les deuxièmes résultats de biopsie. Mais en effet, il y a quand même tout un tas d'émotions qui se bousculent. Il y a un peu l'ange et le démon sur les épaules. Il y a « tout va bien se passer »,« ouais, mais c'est horrible ». Mais on se rassure un petit peu comme on peut. Et finalement, l'entourage est aussi positif. Donc, en tout cas, il faut s'entourer de gens qui sont positifs et parce que c'est très important pour notre morale. Enfin, moi, j'ai eu des copines qui m'ont dit « Mais Charlotte, là, tu vois le mal partout. Essaye de voir les choses autrement. Voilà, ne va pas sur Internet parce que forcément, on a envie de savoir. Donc, on va chercher des réponses là où on espère en trouver puisque les médecins n'en ont pas. Enfin, en tout cas, dans mon parcours, il y a eu des moments où le nombre de fois où j'ai entendu « on ne comprend pas ». C'était atypique, ça c'est le mot que j'ai beaucoup entendu. Rare, ça c'est le mot que j'ai entendu 1000 fois. Unique. Unique aussi. Et oui, c'était... voilà, j'ai un cancer qui est particulier, qui a mon image, on va dire. mais non, mais c'est... Enfin, j'ai essayé de me faire rire sur plein de choses et de faire des blagues autour de ça, parce que autrement, je pense que je me serais effondrée, sinon. Ouais. C'est, ça aurait été trop lourd à porter, toute cette vague de oui, non, oui, non, oui, non, on ne sait pas. À chaque fois qu'on nous propose quelque chose, c'est ça que je pense qui est important à retenir, c'est que c'est pas juste le médecin qui est en face de nous qui a pris la décision, ouais. C'est toute une ribambelle de médecins. Comme je disais tout à l'heure, en RCP, il y a plusieurs oncologues, il y a plusieurs chirurgiens, il y a plusieurs radiologues. Et notamment dans les cancers ORL, il y a ce qu'on appelle le REFCOR. Et c'est le réseau d'expertise pour les cancers ORL rares. En fait, il y a différents centres experts en France. Et ils se regroupent tous en RCP, justement, pour discuter des cas les plus rares. Et c'est rassurant aussi, parce que du coup, on se dit que les décisions ne sont pas prises à la légère. Elles sont réfléchies par beaucoup de monde. Et donc, bah là, quand ils m'ont annoncé, après les deuxièmes biopsies, là, donc c'était il y a 2 semaines, que oui, c'était encore positif au cancer. Enfin, voilà, mon dossier était passé partout. C'était pas juste des résultats qu'on avait eus comme ça. Rapidement. Et donc, du coup, aujourd'hui, où est-ce que tu en es? Je sais que tu as eu quelques examens tout récemment. Oui. Donc là, j'ai fait mon dernier TEP scan hier, qui a montré que potentiellement, j'avais quelques ganglions qui étaient aussi touchés au niveau du cou. Donc, c'est des ganglions latéraux. Donc, j'ai pas trop de précision en plus encore, parce que j'aurai un rendez-vous seulement demain pour avoir plus de précision. Demain matin, donc, il y a une RCP. Pour parler de mon cas, donc c'est la réunion avec tous les médecins, où ils vont donc redéfinir avec certitude le protocole qui va être mis en place la semaine prochaine, puisque mon intervention est prévenue pile dans une semaine mardi prochain. Donc le fait qu'il y ait les ganglions touchés, on m'a dit que ça changerait pas forcément le protocole chirurgical, mais que ça pouvait peut-être changer le protocole ensuite au niveau des traitements. Donc les rayons sont pas écartés. Mais à la fois, mon chirurgien avait bon espoir que je les évite quand même. Et ouais. Encore une fois, montagne russe de nouveau, parce que sur mes deux derniers TEP, les ganglions n'étaient pas touchés, donc c'était la nouveauté d'aujourd'hui. Donc ce qui me laisse dire qu'il est temps qu'on retire ce cancer de mon cou, parce qu'il est en train d'envahir un petit peu tout. Et puis il a progressé aussi, il a grossi sur la corde vocale gauche, donc il est temps de l'enlever. Comment tu te prépares justement à ce rendez-vous pour demain? Est-ce que tu sais déjà quand même ce qu'ils vont te dire, ou est-ce que t'envisages quand même toutes les éventualités? Comment je me prépare? Psychologiquement, je pense que j'essaye d'y penser le moins possible. Donc moi, ma technique, c'est un peu la stratégie d'évitement. Je m'occupe pour pas y penser, parce que je me dis de toute façon, ça sert à rien de stresser avant, puisque je serai assez stressée pendant le rendez-vous. Mais en tout cas, le fait de s'occuper, c'est vraiment important, je trouve. Alors moi, je suis sportive, donc je sors, je vais faire du sport, je vais courir, je vais faire du vélo, je vais marcher. Mais il y a plein d'autres occupations, hein, si on n'est pas sportif. Du coloriage, la peinture, lire des livres. Enfin, il y a des tas de moyens de s'échapper pour éviter de penser à tout ça et du coup de tourner en boucle sur ça, parce que, mine de rien, quand ça devient le centre de notre attention, bah, c'est ce qui fait qu'on va pas très bien. Avec tes proches, comment ça s'est passé, le fait d'annoncer que on t'a parlé d'un cancer, et puis en fait, après on te dit que c'est plus ça? C'est vrai qu'il y a eu les annonces aux proches. Il y a eu un petit sentiment d'imposteur. Dans le sens où, en fait, je leur ai dit que j'étais malade, que j'avais un cancer, et que c'était super grave. Puis tout à coup, j'avais plus rien, plus besoin de chirurgie, et j'étais encore en arrêt, je reprenais pas le travail, et à la fois, je parlais pas encore correctement. Donc oui, il y a eu un petit sentiment de, je leur dis n'importe quoi depuis le début, je suis une menteuse, parce qu'en fait, je vais bien, et peut-être que je l'ai inventé, ce cancer. Enfin, il y a la question aussi, est-ce que je l'ai pas créé, cette maladie? C'est rigolo que j'en parle, parce que j'en ai jamais parlé de ça. Je l'ai jamais dit à personne. Et puis du coup, il y a ce moment où finalement, on te redit, non, en fait, t'es bien malade. Ah bon, c'est bon, alors je vais pouvoir leur dire que c'est OK. La maladie était bien là. Pas soulagée d'être malade, parce que non, c'est pas ça. Alors, je ne saurais pas décrire mon sentiment à ce moment-là, mais c'est difficile de dire aux gens, mais en fait, je sais pas ce que j'ai, parce que les médecins ne savent pas ce que j'ai. Et donc, les gens me regardent en mode, quoi, mais les médecins savent pas? Je dis, non, et donc, j'ai pas de réponse à t'apporter. Parce que là, en fait, mon cancer, il a disparu, je le dis entre guillemets. Il a disparu, et là, je vais mieux. Mais du coup, je sais pas quoi te dire parce qu'on m'a dit d'être patiente et d'attendre que ma voix revienne et puis potentiellement je vais revenir au travail. Alors les amis proches, ils ont compris assez vite que ouais, j'étais un cas rare. Donc souvent, j'ai reçu le message « T'es un cas rare, Charlotte !» Mais par contre, les gens que je connaissais un peu moins, qui faisaient pas forcément partie de mon entourage proche, notamment les collègues, je voyais bien qu'il y avait... Alors c'est pas un jugement sur leur regard, mais c'est en mode « Qu'est-ce qu'elle me raconte, celle-là ?» Et puis pourquoi elle sait pas ce qu'elle a, quoi, comment ça se fait. Et puis parfois, il y avait la pitié aussi, alors c'est pas vraiment la pitié mais peut-être la compassion, maman elle sait pas ce qu'elle a, donc oui je l'ai vécu un peu, ce sentiment d'imposteur, de me dire j'ai quelque chose, je sais pas quoi, je sais que ça m'embête, les médecins comprennent pas, moi non plus, c'était un petit peu difficile à vivre parfois, puis d'autres fois il y avait aussi ce sentiment de soulagement de me dire bah, c'est bon, je vais mieux, je suis sauvée, je suis sortie d'affaire, j'aurais jamais besoin de cette laryngectomie partielle parce que bah, c'est bon, mon corps a combattu tout seul, parce qu'il y a des moments où je me suis dit, bah, c'est mon corps qui combat tout seul la maladie. Donc, du coup, je donnais un peu cette explication-là aux gens en me disant, j'ai peut-être un système immunitaire surhumain qui arrive à détruire le cancer tout seul. Non, on ne saura jamais pourquoi ça a disparu. Alors, peut-être qu'on saura plus tard, grâce aux analyses qui vont être faites là, suite à la laryngectomie. Est-ce qu'on saura vraiment? Je ne sais pas. Mais du coup, oui, parfois, un sentiment de manquer de légitimité à dire je suis en arrêt, je suis malade, mais on ne sait pas ce que j'ai. Ouais, ah oui, bah oui, parce que professionnellement, du coup, comment ça se passe? Alors, pour l'instant, j'ai un arrêt qui va jusqu'à novembre. D'accord. C'est ce que je sais. Est-ce que je vais être capable de reprendre toute seule? Est-ce que non? Est-ce que je vais avoir besoin d'une aide humaine ou matérielle, ça suffira? Une seconde voix, un haut-parleur vivant. Vivant. Il y a pas mal de questions et à la fois c'est des questions que j'ai pas forcément envie de me poser maintenant parce que j'ai un peu peur de la réponse parce que c'est tellement l'inconnu. On sait pas comment je vais réagir à cette opération, on sait pas si je retrouverai autant de voix que toi. Ça, c'est l'inconnu total. Est-ce que peut-être je serai à The Voice dans 2 ans? Personne ne sait. Donc là, le conseil qu'on m'a donné, c'était de ne pas me projeter forcément trop loin pour ne pas avoir d'attente et du coup, pas être déçu ou triste. Donc ça, c'est aussi un conseil qu'on peut donner aux gens qui vont avoir une grosse, grosse opération. Mais oui, ça, c'est une question qui est tout à fait légitime et que je me pose forcément. Qu'est-ce que ça sera l'après? Je reviens sur un sujet qu'on avait abordé toutes les deux, qui était la difficulté de s'entendre. Et du coup, moi, c'est le truc qui me fait peur, c'est est-ce que je vais être capable de m'entendre avant, après, pendant? Mais du coup, ce qu'on s'était dit avec la psychologue, c'était le fait d'avoir le choix. Donc du coup, si je me filme, c'est-à-dire que j'ai le choix de regarder ou pas. Exactement. Je sais pas où je le regarder, mais au moins, je sais que j'ai la possibilité de le faire si j'en ai envie. Tu sais que c'est là, mm-hmm. et que si un jour, t'as envie d'écouter, eh ben, tu peux le faire. Mm-hmm. Et ça, c'est chouette. Et ça, vraiment, faut vraiment que tu... J'allais dire que tu t'écoutes, justement, à ce niveau-là. Faut pas que tu te mettes la pression. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, moi, j'ai jamais réécouté ma voix d'avant. Et c'est pas que je l'ai peut-être un peu oublié. J'avoue, je sais plus trop à quoi elle ressemblait. Pour le moment, en tout cas, j'ai pas forcément envie de la réécouter. Même si ça fait 4 ans déjà, bah, en fait, c'est comme si c'était hier. Donc, en fait, faut vraiment se donner le temps, tu vois, et prendre les choses comme elles viennent les unes après les autres. Et peut-être qu'un jour, j'aurai envie de l'écouter, ou peut-être que j'aurai jamais envie de la réécouter. Mais au moins, tu sais que tu peux le faire. Au moins, je sais que je peux le faire. J'ai des vidéos de moi avant, et peut-être que je me réécouterai demain, ou peut-être dans 4 ans, je sais pas. Ou peut-être jamais. Peut-être jamais. Et il faut pas vraiment ne pas se mettre la pression à ce niveau-là, quoi. Et est-ce que tu as accès à des soins de support pour justement t'aider à lâcher la pression, penser à autre chose? Alors moi, ça a été une demande de ma part au tout début parce que j'ai la chance de connaître un petit peu ces fonctionnements-là, mais j'ai demandé à avoir un suivi psy. Et je l'ai pas vu beaucoup parce que finalement, elle m'a fait comprendre que j'avais pas vraiment besoin d'elle et que je gérais très bien la situation. Donc c'est aussi très flatteur hein, que quelqu'un nous dise que moi, elle m'a dit que j'étais très résiliente, que je gérais bien la pression, que j'avais une angoisse maîtrisée. Donc c'était vraiment très agréable d'entendre ça. Enfin, moi, j'ai la chance de pouvoir parler très facilement de mon cancer sans tabou, sans... Au contraire, j'en fais beaucoup de blagues et j'en rigole beaucoup. Donc, ouais, j'ai cette chance-là. Je sais qu'il y a des gens qui ont beaucoup de mal à en parler, y compris à leur famille. Donc, si j'ai un message à leur dire, c'est n'hésitez pas à demander de l'aide. Parce qu'il y a plein d'associations, notamment la Ligue contre le cancer ou Corasso. Ou... Voilà, enfin, il y a des assos où on peut parler librement. Et en fait, on peut aussi rencontrer des gens qui ont vécu la même chose que nous. Exactement. Et on rigole avec Emily parce que grâce à elle, elle m'a retiré beaucoup d'interrogations et beaucoup d'angoisse parce que mine de rien, voir quelqu'un qui s'en est sorti et qui a vécu ce qu'on va vivre, c'est très très très rassurant. Et c'est vrai que grâce à vos associations, comme tu disais, avec Corasso, bah, on se rend compte que bah, on n'est pas tout seul en fait. Oui. Et que d'ailleurs, les cancers TTQ, ça touche plus de 15 000 personnes par an. Oui, et même si on a l'impression d'être tout seul, en fait, il y a plein de gens qui sont concernés. Exactement. Alors, on le souhaite à personne évidemment, mais oui, il y a beaucoup de gens qui le sont et moi, grâce à Corasso, j'ai pu rencontrer 2-3 personnes qui m'ont permis de pouvoir échanger à la fois sur des choses qui vont, je l'espère, pas m'arriver, notamment les chimios, la radio, enfin les rayons, tout ça, et de me dire, ok, bah en fait, si ces filles-là, parce que bon, j'ai parlé qu'avec des filles, j'avoue, si ces filles-là, elles s'en sont sorties, bah moi aussi, je peux le faire, en fait. Et même si c'est dur, bah, à la sortie, je serai pas toute seule, et puis ma famille, ils seront toujours là, mes amis aussi, mais ces filles-là aussi, elles seront là parce que bah, y a beaucoup de bienveillance et d'écoute et pas de jugement. C'est ça. Et ça, c'est vraiment chouette. Ouais. Oh oui, non, parlez-en, c'est trop important. Et c'est ce qu'on disait, c'est plusieurs grosses montagnes à gravir. Oui. Et il faut les prendre les unes après les autres. Oui. Et pas hésiter, oui, à demander des conseils, bah, notamment, oui, avec les personnes de Corasso. Il y a un groupe Facebook, oui, notamment, où il y a plusieurs patients et leurs aidants aussi qui ont été touchés par ce type de cancer. Et dans ce groupe-là, justement, on échange quotidiennement, que ce soit des trucs à du quotidien, et parce que c'est vrai qu'en fait ces types de cancers là c'est hyper particulier parce que ça touche directement le social. Oui. Nous, ça touche la voix, et donc bah, la voix, c'est la communication. Quand on s'adresse à quelqu'un, oui, tu vis autant que moi, ah, on va nous dire de prendre une tisane avec du miel, ou alors que t'as, bon, trop, non, fait la fête. T'as trop fait la fête. Ah, mais je peux vous partager tout à fait vraiment le gros sujet de discussion hier avec la psychologue. C'était je lui parlais de mon impression de perdre une partie de mon identité. Ouais. Parce que du coup, pour moi, la voix, bah, par exemple, quand on téléphone à quelqu'un, c'est la seule chose qu'on a de l'autre personne, de son identité. Et donc, j'ai expliqué que j'avais peur. Alors, on a toujours des peurs, des angoisses du futur, mais j'avais peur de complexer, j'ai peur du jugement, j'ai peur du regard des autres. Et ça, je pense que c'est tous les gens qui sont touchés par ce type de cancer, on le vit à un moment donné. Donc, bah, j'ai eu la chance, on m'a accompagnée pour ça. Aujourd'hui, je sais que bah, je serai pas toute seule pour la suite. Et c'est pour ça que le fait d'en parler, je trouve ça hyper important. Parce que c'est des interrogations que j'avais qui m'empêchaient de dormir la nuit, hein, soyons clairs. Je dormais pas bien. Je me disais, mais en fait, là, on va m'amputer. On m'ampute d'une partie de moi et on m'ampute de ma voix. Et je trouvais que le mot amputé était fort, mais ça décrit vraiment mon sentiment de perte que j'avais, qui était hyper profond. Et... C'est ça. Et c'est vrai que oui, retirer les cordes vocales, je trouve que c'est un peu comme les étapes d'un deuil. Ah bah, c'est exactement ce que j'allais dire. Ben oui. Moi, je le vis comme un deuil actuellement. Et là, je dis à tout le monde, bon, j'ai la chance parce que je vais dire adieu à ce cancer, mais j'ai la malchance parce que je dois dire adieu à ma voix. Et je le vis vraiment comme ça. C'est, ouais, c'est un deuil. C'est ça. Et comme un deuil, il y a toutes les émotions qui s'en suivent. Oui. T'as la colère, la tristesse, oui, l'incompréhension, l'injustice, et puis après il y aura l'acceptation, il y aura la résilience, et puis parfois elles s'entremêlent toutes, donc des fois on se dit, bon, mais c'est bon, ça va, puis finalement non, c'est quand même vraiment injuste ce qui m'arrive, pourquoi moi, ça revient. Ouais. Mais je pense que le fait d'en parler, c'est ça qui va aider aussi à accepter. Parce que bah, du coup, Emilie, elle a fait sa vidéo. Moi, je ne sais pas encore trop comment je vais faire, mais on en parlait. Moi, ce qui me pose parfois problème, c'est qu'à chaque fois qu'on me croise, ou que je croise des gens que je connais, que je n'ai pas vu depuis longtemps, c'est « Ah, mais ta voix, t'es enrhumée » ou « Ah, mais t'as encore des problèmes de voix ». Tout ça, et c'est vrai que le fait d'en parler, ça aide à accepter parce que les gens reviennent pas tout le temps dessus. La vidéo, moi, c'est le moyen que j'avais trouvé pour l'extérioriser. Après, je pense qu'il y a, il y a plein de moyens et puis tu trouveras ta manière à toi d'en parler. Déjà, rien que le fait que tu viennes aujourd'hui en parler sur, au travers d'un podcast, c'est déjà une grosse étape et une... Oui, moi, ça me faisait du bien. Aujourd'hui, je vous avoue à tout le monde, je dis à toi en particulier, c'est chouette de pouvoir en parler parce que déjà, ça rend le parcours un peu plus réel, on va dire. Oui. Parce que c'est vrai que mes copains, ils l'ont vécu de loin, mais ils ont continué leur vie. Sauf que ben, moi, je suis au quotidien dans ça et je me dis, bon, bah, c'est un moyen de partager aussi ce parcours qui a été un peu sinueux et vraiment chevaleresque. mais oui, ça fait du bien d'en parler. Et à la fois aussi, en même temps, il y a des personnes qui ont besoin aussi de ne pas forcément en parler. Chacun réagit à sa manière et différemment. Mais en parler, ça ne veut pas forcément dire en parler avec la voix, justement. Ouais. Ça peut être par l'art, ça peut être par l'écriture. Exactement, par la musique. Oui, voilà, c'est ça. Il y a plein de moyens d'extérioriser. D'extérioriser. C'est ça. Bah, moi, il faut que je parle parce que je parle beaucoup. Oui. Mais je sais que par la photographie, on peut dire beaucoup de choses aussi, par la sculpture aussi. Enfin, il y a pas mal de moyens d'extérioriser qui sont propres à chacun et qui peuvent faire du bien, vraiment. Ouais, complètement. Donc, trouvez votre voix. Et puis pour demain, vas-y, l'esprit libéré, relâché, ne te mets pas de pression particulière. On pense en tout cas énormément à se faire parler à toi et on essaiera de donner des petites nouvelles. Merci de m'avoir donné la parole, oui, aujourd'hui, ça m'a fait vraiment plaisir et puis c'est une chouette thérapie. Oui, complètement. Bah, merci énormément à toi d'avoir accepté de nous raconter ton histoire. Merci d'avoir écouté cet épisode de Coup de tête, le podcast des patients touchés par un cancer tête et cou, créé par l'association Corasso. Pour retrouver plus d'informations sur ces cancers et sur l'association, rendez-vous sur www.corasso.org. À bientôt.